Voici la première partie de 3 de l'enregistrement portant sur les entendeurs de voix. Bonne écoute. Il y a présentement des individus qui vont entendre des voix. Et c'est des fois des gens qui vivent de la solitude ou sont plus disponibles à entendre des voix. Parfois, c'est des gens qui ont été diagnostiqués comme présentant la schizophrénie. Ou non, tout dépendant de la situation. À l'époque actuelle, tranquillement, le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, de la relation d'aide est en train de composer avec cette réalité-là d'une manière qui se précise. Il y a notamment l'apparition de groupes d'entendeurs de voix un peu partout dans le monde, qui ont une fonction thérapeutique pour aider les individus, dans certains cas, à diminuer les voix qu'ils entendent lorsqu'ils en souffrent, lorsqu'ils ont l'impression d'être victimes de ces voix qu'ils perçoivent, de donner également un sens à leur expérience, d'en maîtriser également ce qui se passe par eux-mêmes, donc au lieu d'être dominé par les voix, d'être le maître de ses voix intérieures et apprendre à mieux composer avec celles-ci. Donc ces groupes peuvent, au niveau thérapeutique, aider les gens à faire face d'une manière de plus en plus adéquate avec ces voix intérieures et de diminuer la souffrance qu'ils peuvent connaître liée au fait qu'ils sont en contact justement là, avec ces voix-là. Et en même temps, mais ça permet à ces gens qui, dans certains cas, souffrent beaucoup de solitude, d'être en relation avec d'autres individus dans le cadre de groupes d'entraide qui vont favoriser l'intégration de leur expérience et briser, bien entendu, la solitude et l'isolement. Et je prends la parole aujourd'hui parce qu'il m'est venu à un moment donné l'idée qu'il pourrait être intéressant que les entendeurs de voix, donc les gens qui se réunissent en groupe, prennent conscience de l'existence de l'instruction supramentale. Ce que je fais référence par instruction supramentale, c'est une instruction qui a été amenée notamment par Sri Aurobindo et également plus récemment par Bernard de Montréal au Québec qui ont parlé du phénomène des voix intérieures à partir de la compréhension du principe que la pensée vient d'ailleurs. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y ait éventuellement des intervenants qui travaillent avec ceux qui entendent des voix et qui en viennent à tenir compte de la psychologie évolutionnaire, c'est-à-dire la psychologie supramentale qui a été développée par Bernard de Montréal pour que les groupes d'aide puissent bénéficier de ces informations qui vont permettre à l'individu d'intégrer davantage son expérience, non pas en fonction d'une perspective nouvelle âgeuse sur la réalité ou ésotérique, mais en fonction d'une perspective liée à une science de l'esprit, à une science qui a des principes, comme par exemple la pensée vient d'ailleurs, c'est-à-dire que chaque être humain est à l'image d'une radio qui va recevoir de l'information dans son mental, comme là, notamment, comparé Bernard de Montréal. Et l'être humain, lorsqu'il reçoit les pensées, c'est que il est un réceptacle, comme un radio ou un téléphone cellulaire d'une pensée qui a été émise au préalable par une entité. C'est sûr que, juste de dire ça, il y a peut-être des gens dans le domaine scientifique, notamment les plus matérialistes, les plus cartésiens, vont dire « Ah, là on tombe dans de la croyance ». Donc, si vous dites qu'il y a des entités qui existent et vous n'êtes pas en mesure de me montrer une preuve scientifique, empirique, qu'on peut vérifier en laboratoire, et qui nous permet de générer des expériences reproductibles, eh bien, à ce moment-là, ce que vous dites, c'est de l'ordre de la croyance et ça n'a pas plus de valeur que les croyances qui ont été véhiculées par les religions, les sectes, les gourous, les philosophies, les idéologies, etc. Mais la question de l'existence des entités éventuellement sera vérifiée par la science actuelle, mais en attendant, l'individu qui a la capacité de faire preuve d'objectivité peut vivre l'expérience sur une base individuelle. Autrement dit, aux gens qui sont scientifiques, je leur dis, ne croyez pas ce qui est mentionné ici sur parole, ne croyez rien de ce qui est dit, mais vérifiez par contre par vous-même. Ayez l'honnêteté intellectuelle, l'objectivité de vous engager dans une démarche qui va faire en sorte que dans votre quotidien, vous allez avoir de la vigilance à l'égard de la pensée qui surgit dans votre esprit. Autrement dit, si vous êtes objectif envers vous-même, vous pouvez constater, par exemple, que lorsque vous dormez la nuit, vous ne décidez pas nécessairement les rêves que vous allez faire. Vous allez être plutôt en position, généralement, de l'individu qui va subir, le rêve et la pensée. Donc, à ce moment-là, lorsque vous rêvez, par exemple, vous décidez pas, sciemment, consciemment, de faire un cauchemar, à part si vous êtes masochiste, peut-être, mais en réalité, en général, les gens ne vont pas décider avant de se coucher et dire, ce soir-là, je vais faire un cauchemar. En général, ce n'est pas le cas. Mais pourtant, les gens connaissent souvent des cauchemars dans lesquels ils vont se réveiller en sueur froide, en transpirant, avec le cœur qui débat, les mains moites aussi. Et pourtant, ils ne l'ont pas choisi. Donc, leur ego doit réaliser que la pensée vient d'ailleurs. En particulier lorsqu'ils expérimentent le phénomène du rêve où ils subissent des pensées d'horreur. Lorsque quelqu'un fait un cauchemar puis il rêve qu'il se fait démembrer par un tueur en série, en général, les gens, spontanément ne vont pas choisir de faire un rêve de la sorte. Et c'est pour ça que la pensée est acheminée à l'individu par des entités. C'est sûr que certaines personnes dans le domaine de la psychologie des profondeurs vont dire que c'est tout simplement le fruit d'une manifestation de l'inconscient. D'ailleurs, Sigmund Freud avait mentionné que le rêve est la voie d'accès royale à l'inconscient. Mais par rapport à l'inconscient, comment se fait-il que l'inconscient, à un moment donné, va déterminer que l'individu, pendant une nuit donnée, va faire un cauchemar, puis pendant une autre nuit, il n'en fera pas? C'est quand même particulier. Ça veut dire que quelque part, l'inconscient, il y a une intentionnalité qui est là. C'est pas juste du matériel qui est refoulé, qui est associé à des mémoires du passé, qui ressurgit par hasard à un moment donné, plutôt qu'un autre. Il y a quelque chose qui s'y rattache et derrière le voile de l'inconscient, c'est tout simplement la présence d'entités. Bien entendu, vous pouvez apporter dans votre vie de tous les jours attention à différents phénomènes qui vont dans ce sens de ce dévoilement de cette réalité qui est occultée à la plupart des êtres humains au moment où je prends la parole au micro. Et pour y arriver, c'est tout simplement de réaliser qu'il peut se présenter dans votre vie des pensées intruses à plusieurs moments de votre journée. Par exemple, vous pouvez être en train de passer la tondeuse, vous regardez l'herbe sur laquelle vous marchez avec la tondeuse, et à un moment donné, vous vient en tête l'idée, ah, je pourrais faire un voyage en Floride. Pourtant, il n'était pas question de voyage, mais l'idée arrive à vous. Lorsque vous êtes attentif à ce phénomène, vous réalisez que l'idée semble surgir de nulle part. D'ailleurs, ici au Québec, on a une expression dans le langage parlé, dans le langage populaire, dans lequel on va dire, il me vient une idée en tête, ou j'ai eu un flash. J'ai eu une idée qui surgit spontanément par rapport à quelque chose qui n'a aucun lien par rapport à l'action présente. Donc, c'est sûr que si, par exemple, la personne est en train de passer la tondeuse dehors et il pense d'aller un peu plus rapidement pour passer la tondeuse, c'est une idée qui est en lien avec le contexte. Mais la pensée intruse, c'est une pensée qui est sans lien avec l'action ou la conversation qui est en cours et qui surgit, sortie tout droit des nues, d'on ne sait où. Et cette pensée-là vient tout simplement d'une entité. Et on peut le reconnaître par rapport au fait que c'est une pensée qui est détachée du contexte. Donc, par exemple, l'individu qui passe la tondeuse pense à faire un voyage en Floride. Et lorsque l'individu, un peu plus tard, dans sa journée, va rencontrer un conseiller en vente de voyage, eh bien, ils discutent ensemble justement de faire le voyage en Floride. Et dans la conversation, alors qu'ils sont occupés à négocier les prix pour un voyage, donc une information qui est discutée, qui est intellectuelle, qui est demandante, qui demande de la concentration, à un moment donné, sorti de nulle part, vient l'idée que l'individu faut qu'il rende son linge chez lui avant qu'il pleuve. Alors que l'individu est dans une pièce fermée où il n'y a pas de fenêtre, donc aucun lien avec le contexte de l'action. Donc, c'est une pensée qui est hors contexte, d'où l'appellation pensée intruse, qui sert à vous faire réaliser qu'il y a une entité qui a envoyé cette pensée-là. Bien entendu, par rapport à tout ce qui est mentionné ici, ce que je propose aux gens avant de dire que c'est de la foutaise, l'existence des entités, que tout ça c'est du délire ésotérique, ce que je mentionne aux gens, c'est prenez le temps. Pendant au moins quelques jours, peut-être une semaine, un mois, de faire une étude personnelle du phénomène de la pensée et de sa manifestation dans votre vie de tous les jours, avant de dire que tout ça, c'est de la foutaise. Donc, autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à défaut de vous présenter une preuve sur le plan matériel, donc un élément que je pourrais vous montrer sur le plan physique, vous pouvez avoir une preuve de l'existence des entités à partir de votre vécu sur une base expérientielle de votre vie. Donc, une preuve scientifique, non pas à partir de la matière, mais à partir de votre expérience de votre vécu dans la vie de tous les jours. À partir de la science de l'esprit, qui est une science qui tient compte que l'être humain est multidimensionnel, l'être humain n'est pas contenu, tout simplement dans un corps physique. Et tranquillement, la science va dans ce sens-là, que l'être humain peut être en contact avec d'autres réalités de nature psychique, dont les entités.